Depuis trois générations, l'entreprise familiale Lavage de vitres nationale offre des services professionnels à l'ensemble des citoyens et des entreprises de la capitale ainsi que de Trois-Rivières. Actif au sein du milieu, elle reconnaît l'importance d'une implication sociale dans le développement de l'esprit communautaire. Lavage de vitres nationale est donc fière de collaborer avec votre radio, CKRL. Lavage de vitres nationale, 523-2047. Pour découvrir, en radio, CKRL 89.1. Un jour faudra tourner la page, laisser un monde à notre image. Un jour faudra tourner la page, laisser l'amour en héritage. Une gang baby boomer. Pour ceux qui viennent tout juste d'ouvrir leur radio, et non, ce n'est pas l'heure électronique avec Alex Maltais, c'est plutôt un spécial 3 heures de web musique avec Simon Roy. Simon Roy au micro. Donc, avant la pause, on avait entendu une pièce quand même assez longue, un bon 9 minutes. C'était Nathan Fake, The Sky Was Pink. C'était un remix de James Holden, donc une pièce quand même assez planante. On poursuit l'émission Web Musique avec une pièce cette fois-ci qui commence tout doucement puis qui se corse vraiment par la suite. Ça devient presque un coup de botte de ski dans les chenolles, je pourrais vous dire. Le groupe s'appelle Boris, un groupe du Japon. C'est un remix de la pièce Floor Shaker. Donc, Boris, qui est un groupe un peu métal, expérimental, je ne sais pas trop comment les décrire, mais ça, c'est un remix plutôt électronique. Donc, je vous fais entendre la pièce Floor Shaker par Boris. We'll be right back. Thank you. C'était la pièce Floor Shaker, un remix plutôt de cette pièce par Boris, un groupe qui nous vient du Japon. On poursuit l'émission Web Music avec un artiste qui s'appelle Volker Selzner. C'est un Allemand. Je vous fais passer sa pièce Ich Schwebe. Thank you. D'entendre une pièce de Volker Selzner, la pièce XVB. On poursuit l'émission Web Musique avec un artiste qui nous vient du Mexique. Il s'agit de Fax. Fax, qui est le cofondateur de l'étiquette, l'excellente étiquette plutôt du Mexique, qui s'appelle Static Discos. Je vous fais entendre une pièce qui est sortie sur une compilation qui est sortie il n'y a pas si longtemps. La compilation s'appelle Safety Stock. C'est des artistes qui sont sur l'étiquette, donc Static Discos, une étiquette très prolifique que je vous invite à aller voir un peu. C'est une étiquette vraiment intéressante. Je vais vous faire passer la pièce Cuarto Paratres par Fax. C'était Fax du Mexique avec sa pièce Cuarto para Tres. C'est sur l'étiquette Static Discos. Comme vous le savez probablement, on est en pleine campagne de pré-membership et ce jusqu'au 31 août. Si vous achetez votre carte de membre avant le 31 août, ben vous courez la chance de gagner un beau 300$ de disque chez Sion. Donc, c'est pas n'importe quoi. Qu'est-ce que ça permet de la carte de membre? Ben, ça permet de soutenir la plus ancienne radio communautaire francophone. Ça permet aussi de soutenir la relève artistique de toutes les scènes, scènes musicales, artistiques, visuelles, le théâtre, la littérature. Donc, ça permet aussi de démontrer votre attachement à une radio différente et indépendante. Ça vous permet aussi, bien sûr, de profiter de rabais chez différents marchands de la région de Québec, comme par exemple un 10% chez Alpaga, au Café du Bonnet d'Âne, au Café de la Poste, au Centre Yoga de Québec, à la Chapellerie Bibi et Compagnie. Aussi un 15% au Café Abraham Martin, au Café Resto Les Colocs, puis enfin au Trident, au Théâtre Le Trident. Ça permet aussi un rabais de 4$ au Théâtre Périscope, puis un beau 3$ au Théâtre de la Bordée. Cette année, il y a une nouveauté, il y a deux façons d'adhérer. Il y a une carte de membre à 25$ qui permet d'avoir des rabais chez les 14 marchands participants. Ça vous donne aussi des rabais lors des événements de CKRL, les événements spectacles bénéfices. Vous avez aussi des informations en primeur et des places réservées pour vous lors de ces concerts-là. Puis, vous pouvez participer aussi au concours de CKRL. Donc, il y a seulement les membres de CKRL qui peuvent participer à nos concours. C'est une façon de dire merci aux auditeurs. Puis, c'est ça, ça vous permet aussi, ben, si ça vous tente, de venir produire une émission à CKRL. On a toujours besoin d'animateurs et de producteurs. Donc, je vous rappelle que si vous vous abonnez, si vous devenez membre de CKRL plus tôt, vous pouvez courir la chance de gagner un 300$ chez Sion le disquaire. Il y a aussi comme nouveauté la carte à 10$ qui donne un peu moins d'avantages, mais qui permet quand même de démontrer votre support envers CKRL. Avec ça, vous avez quand même les rabais chez les marchands, puis vous pouvez participer au concours de CKRL. Donc, je vais faire une courte pause, puis je vous reviens par la suite. Pour découvrir, en radio, CKRL 89.1. Découvrir en radio CKRL 89.1. Un jour faudra tourner la page, laisser un monde à notre image. Un jour faudra tourner la page, laisser l'amour en héritage. The gang baby boomer. Découvrir en radio CKRL 89.1. De retour à Web Musique, c'est Simon Roy qui est en votre compagnie. Donc, on poursuit l'émission avec un peu de musique électronique. On va poursuivre avec Frank Mulder, la pièce Japanese Soup. Ça va être suivi par Eye, ou Œil si vous préférez, avec sa pièce Aventura en Pérou. Pour tout de suite, Frank Mulder avec la pièce Japanese Soup. Thank you. I'm C'était Aïe avec la pièce Adventura en Peru. Un artiste vraiment intéressant. Je ne me tente pas d'écouter ses disques. Pendant qu'il y avait un peu de musique, j'ai un auditeur qui m'a appelé pour me rappeler que j'avais oublié de vous mentionner que pour la campagne de pré-membership, les façons de s'abonner ou plutôt de devenir membre à CKRL, vous pouvez aller sur le site de Sion qui est au www.sion.com. Vous pouvez acheter donc votre carte de membre en ligne ou pendant les heures de bureau, vous pouvez nous appeler au 640-2575. Il y a quelqu'un qui va vous aider pour acheter votre carte de membre. Puis, ben encore plus simple, passez donc à la station directement. Venez nous voir un peu, on aime toujours vous voir. Donc, on est situé au 405 3e Avenue. À Québec, bien sûr, on est au coin de la 3e Avenue et de la 4e Rue. Ça nous fait toujours plaisir de vous voir. On poursuit l'émission Web Musique avec John Burno. La pièce Shift One, c'est sur l'étiquette Phonocake, une autre étiquette vraiment intéressante. Je vous en ai déjà fait passer d'autres artistes à l'émission Web Musique, donc c'est une étiquette que j'adore. Ensuite de ça, on va entendre Locua, la pièce YEA. Donc pour tout de suite, John Burno avec la pièce Shift One. We'll be right back.

C'était L'OQA, la pièce YEA. Donc, on est dans la deuxième heure de Web Music en remplacement de l'heure électronique. Alex Malta est en vacances, donc il va vous revenir la semaine prochaine pour son émission. Donc, si vous venez tout juste de vous joindre à l'émission qui a débuté à 18h, puis vous avez manqué qu'est-ce qui s'est passé, ben demain, l'émission va être disponible en balado-diffusion. Donc, vous avez juste à vous rendre sur le blog de Web Music qui est au www.webmusic.org. Puis, vous allez pouvoir télécharger les pièces. Donc, on ne manque jamais l'émission Web Music. C'est toujours possible de l'écouter en balado-diffusion. Vous avez tous les épisodes depuis, je crois, la fin avril ou début avril, je ne me souviens plus trop. Mais c'est ça, toutes les émissions sont toujours disponibles en balado-diffusion, donc vous pouvez écouter les émissions quand bon vous chante. Donc on va faire une petite pause, puis je vous reviens par la suite pour la dernière heure de Web Music. Sais-tu qu'est-ce qui me fait plaisir, moi? C'est quand ça sent les pâtes à frites. Moi, c'est quand je vois quelqu'un qui sourit dans son auto. Ah, moi, c'est quand il fait chaud et que je sens un petit vent léger qui caresse mes cheveux. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est de voir deux personnes qui s'embrassent sur le trottoir. Mon plus plaisir, c'est lorsque mes parents écoutent l'Opinard du chef avec Denis Barry, le jeudi soir entre 20h et 22h à CKRL. Ce soir-là, c'est inévitable. Ils sont toujours de bonne humeur. Ça me fait plaisir.